En ce moment, avec mon fils de 5 ans, on se regarde tous les soirs 20 minutes de deux super flics. Un des meilleurs Spencer Hill de 1967. Je dois reconnaître que j'ai grandi avec ce duo et je les adore. Mais le temps passant, je regardais dorénavant leurs films distraitement, du coin de l'œil. Je considérais encore récemment ces films comme de sympathiques nanas répétitifs et interchangeables. Pourtant, au hasard d'une énième rediffusion sur RTL9, mon fils a vu la fin de Trinita et ça l'a fait énormément rigoler. Alors je me suis dit qu'on allait regarder ensemble celui dont j'ai le plus de bons souvenirs. Alors comprenons-nous bien. Je ne me souvenais quasiment plus du tout du film. Mais plutôt des moments de fou rire avec mon cousin lorsqu'on le regardait avant de jouer nous-mêmes à être des super flics. C'est des super souvenirs. À ma grande surprise, dès que j'ai entendu mon grand bonhomme se marrer, je me suis retrouvé à rire aussi de mon cœur, à retrouver le plaisir que j'avais à le voir avec mon cousin. Et ce qui m'amuse beaucoup maintenant, c'est de voir mon fils jouer lui aussi au super flic, sans que je ne lui ai raconté quoi que ce soit sur mes jeux d'enfant. Ce film a réussi, avec de l'aide, à me faire retrouver de précieux souvenirs et à m'ancrer de nouveau tout aussi précieux.